Wenn mein Vater sie nicht gebracht hat, dann können sie auch nicht bleiben. Et c'est pour cela Jésus-Christ dit que si mon père les a pas ramenés vers moi, ils peuvent pas rester ici. We are already in Matthew 15, where Jesus said. On va lire Matthieu 15. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The question is, do we want the truth? Are we hungry of the truth? Is it the truth we really want? Mm. Because the truth, you have to be prepared, because it will be getting harder and harder for the flesh. Wir müssen uns vorbereiten, weil diese Wahrheit wird immer härter und härter sein für unser Fleisch. On va lire Matthieu 15 et on doit savoir qu'on doit vraiment se préparer pour la vérité, parce que la vérité vraiment fait mal vraiment pour la chair. Matthieu 15 from verse 8 to 14. 8-14. Matthieu 15 8-14. Because I know, so you know, the people that were here last year, 2 years ago, what we are preaching now, the message now, they did not hear it. It's even harder than what we were hearing before. You can see that it's not getting more easier. It's getting more harder because of the system of heaven, because of the flesh that we have been so used to, and to get out of it. Und die Sachen, die wir vor 2 Jahren geprägt haben, sind noch nicht so hart gewesen, die Sachen, die wir jetzt predigen. Das sind die Leute, die vor 2 Jahren noch in unserer Gemeinde waren, für die wir das, was wir heute hören, vielleicht undenkbar, unmöglich. Und diese Härte kommt, weil es für das Fleisch unerträglich ist und weil es vom Königreich Gottes, weil es der Maßstab ist, vom Reich Gottes. Le message qu'on entend ici, ça vient du royaume des cieux, et pour notre chair, c'est vraiment difficile. Et on peut le voir que le message qu'on écoutait, on entendait 2 ans passés, c'est différent du message qu'on écoute maintenant, parce que ce sont deux choses différentes. Donc ça signifie que le niveau qu'on est en train d'avoir maintenant, c'est plus haut que les années passées. I know we have been here before, but let us quickly read from verse 8. Amen. Mm-hmm. He said, these people draw nigh unto me with their mouth and honored me with their lips, but their heart is far from me. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something here? But in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandment of men. That's what is in all churches today. You see churches, the commandment of their church. Und das sehen wir in vielen Gemeinden, die Menschengebote, Gebote ihrer Gemeinde, ihrer religiösen Gemeinde. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Souvent, il s'agit seulement des commandements de leur propre église, des gens qui sont dans l'église, mais pas les commandements de Dieu, plutôt de Jésus-Christ. You can see the truth. What Jesus was speaking here was the truth. And it was so painful to the Pharisees. Ihr seht, was Jesus hier gesprochen hat. Even Peter could see it. War die Wahrheit, und aber es war schmerzhaft für sie. Und selbst Petrus hat erkannt, dass es echt bitter ist, was jetzt gerade hier gepredigt wird. Et on peut, même Pierre pouvait voir que c'était c'était pas facile ce qui était prêché là. Amen. You know, this correction is too much. It before everybody, even the people that even see us beat before. And now you are correcting us before all of them. You can see that, you know, they were offended. Sie haben Anstoß daran genommen, weil sie dachten, boah, und auch noch öffentlich, die ganzen Leute, die auf uns achten, die uns so toll finden, uns krass finden, denken sich jetzt auch an ihren Teil. Was soll das? Da hätte er sich doch sparen können, das so zu machen, auf diese Art und Weise. On peut voir que, enfin, le problème n'est pas seulement la correction, mais que cette correction a été publique, donc les gens commençaient à penser, mais ces gens, ils nous voient toujours. Et maintenant, c'est quand même honteux de se faire corriger de cette manière. Praise the Lord. From verse 10. And he called the multitude and said unto them, hear and understand. Amen. Because it's not when you hear, you understand. So many times we hear and we never understand. Mm-hmm. Amen. How the Lord wants us to understand. And not how man wants you to understand. There are 2 different types of understanding. Mm-hmm. Und er sagt, ihr hört und versteht, denn oft hören wir ohne zu verstehen, weil wir sollen so verstehen, wie der Herr es möchte, dass wir es verstehen. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Verstehen. on doit être conscient qu'il y a deux manières de comprendre comment on le fait à travers l'esprit et comment le monde comprend. And that's why, you know, after service, even in Bible studies, when after preaching also, you have to ask people how they understand it. Because people understand things wrongly a lot. And their understanding is so wrong. And they think that they are understanding it correctly. So that we can also correct them. Amen? Yeah. Und es ist wichtig, dass wir halt auch immer nach der Bible study und nach der Predigt den Leuten die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, Fragen. How did you understand it? Hast du das verstanden? Weil manchmal hört man etwas, aber man versteht es nicht so, wie der Herr will, dass man es versteht. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important de se demander l'un et l'autre comment t'as compris le message, parce que souvent on comprend le message d'une mauvaise manière et si on n'en parle pas, il n'y a pas moyen de corriger la personne et qu'on va commencer à appliquer les choses qui ne viennent pas du Christ. You know, there are a lot of things that people have misunderstood here. Es gibt viele Dinge, die Leute hier jetzt schon missverstanden haben. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ici ont mal compris. There was a time I preached that you choose to love whoever the Lord choose for you. And you know, somebody here then was, his understanding was that you go outside and go and look, that you go to Aldi to go and look for something to buy. You go there, look for the woman you want and pick that person. Then you choose to love that person. That was not the message. The message was whoever the Lord choose for you. The Lord is the one to choose that person. Not you going to choose that person. Not you going like as if you are going to buy bread in Aldi. Or you are going to buy whatever in all these stores. And then you look at it and say, this one is better. No, it's the Lord, because marriage is about the heart. You are not marrying the body. You are marrying the spirit. That is why marriage is ordained by God himself. It is coming from him. It is his property. Satan has jacked it so much today. It is all about the outside. Und es gab auch einmal, wo jemand etwas falsch verstanden hat und dachte, dass man sich einfach jemanden aussucht, den man nett und gut findet, und dann heiratet man diese Person und lernt, diese Person zu lieben. Aber es ist der Herr, der uns diese Person gibt, und es ist auch den Herrn, den wir in dieser Person lieben. Und deswegen können wir uns gar nicht die Person aussuchen, sondern es ist der Herr, der uns diese Person gibt. Aber in dieser Welt ist es halt so krass normal, dass man sich auf die Suche macht und diese bestimmten Kriterien in dieser Person sucht und sich vom Äußeren halt blenden lässt, anstatt das Innere zu sehen, was aber nur durch den Heiligen Geist offenbart werden kann. Und deswegen ist eher eine geistliche Sache und keine physische Sache, die du mit deinen Augen wertest. Il y a quelques temps, j'ai prêché sur le mariage, j'avais dit que c'est, tu vas marier la personne que l'Éternel choisit pour toi. Et une personne avait compris que donc je peux sortir, je vais chercher un mari, après je vais soumettre cette personne à l'Éternel. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que j'avais dit. C'est que le truc, c'est que c'est l'Éternel lui-même qui choisit la personne que tu vas marier. Il ne s'agit pas de l'extérieur, mais plutôt de le cœur. Parce que c'est pas le corps que tu vas marier, mais c'est plutôt l'esprit de la personne que tu vas marier. Praise the Lord. Amen. You know, Adam did not go and be searching, looking for a woman. You know, looking for, as if he's looking for, you know, there are different types of bread. Toast bread, brochi. You know, you don't go to store and be looking for which of them to buy. You know, Adam did not, he did not, you know, it was the Lord that said, it is time. Adam did not even know it was time. Everything came from the Lord. That is the period we are now as God's children, where everything comes from him. Genau, und deswegen, Adam ist jetzt nicht einfach sozusagen wie in den Supermarkt gegangen, hat sich irgendwie das beste Obst ausgesucht, sondern der Herr hat ihnen das gegeben zu seiner Zeit, weil alles von ihm kommt. Adam, par exemple, ne connaissait même pas le mariage comme tel. C'est l'Éternel lui-même qui a dit, ok, maintenant il est temps pour toi de trouver, non, pour te trouver une femme, et c'est l'Éternel lui-même qui lui a donné sa femme. Il n'est pas Il n'est pas sorti dans le jardin d'Éden, il a commencé à chercher une femme. Non, tout doit être à venir de l'Éternel. Et c'est le niveau qu'on doit atteindre, où tout vient de l'Éternel, tout ce qui compte pour nous vient de l'Éternel et rien d'autre. Please, after the church or your Bible study, learn to ask others how they understand the message. Mm-hmm. It's important, please. Mm-hmm. Because the other time I preached concerning if the Lord it's not about the church, the ministry, it's about Christ Jesus. It's true, it is not about the ministry without Christ. The ministry is Christ. If you go everywhere today, everywhere is full of ministry without Christ. Mm. I was talking about the ministry without Christ. This ministry is Christ Jesus. Mm. And Christ Jesus is this ministry. So if I say it is not, I'm not after the ministry, I'm not after Christ. I'm telling you that I'm not after the flesh, but after Christ. Mm. So understanding. How we understand things matters a lot. And we are to ask people. We're in this service, we don't have time to ask. But in Bible studies, please, you should have time to ask one after the other. How do you understand it? If there are some places that there's a misunderstanding, so that there'll be correction. Mm-hmm. Und es ist wichtig, dass wir Sachen richtig verstehen, weil auch zum Beispiel dieses Thema mit dass die Gemeinde halt Christus ist, da geht es darum, dass eine Gemeinde, die wirklich keine religiöse Gemeinde, die keine tote Gemeinde ist, die wirklich eine lebendige Gemeinde, diese Gemeinde ist die Gemeinde von Christus und diese Gemeinde kann man auch als Christus sehen, aber nicht eine religiöse Gemeinde, wo Christus nicht ist. Das ist nicht, so eine Gemeinde sollte man nicht als Christus sehen. Und deswegen müssen wir halt auch uns daran gewöhnen, halt einfach nach dem Bible Study zu fragen, ey, wie habt ihr das verstanden? Und dann erklärt die Person das und dann weiß man auf dem gleichen Nenner. And somebody then misunderstood it and it was giving him problems. Und jemand hatte auch zum Beispiel das mit dieser Gemeindesache auch falsch verstanden und deswegen hat diese Person das auch zu einem Anstoß für diese Person, weil diese Person nicht verstanden hat, inwiefern die Gemeinde Christus ist. Et encore une fois, c'est très important de poser des questions et se demander à nos frères et sœurs comment on a compris le message, comment on a compris aussi, surtout dans les études bibliques, quand on est ensemble, on a plus de temps, parce que pendant le service, de temps en temps, ça peut être un peu compliqué, parce que là, on peut directement déraciner certaines racines, ou même pas, ou directement enlever certains grains, parce que c'est très important de vraiment comprendre, parce que le royaume des cieux, c'est un esprit de révélation, de connaissance, et... Par exemple, on avait parlé il y a quelque temps de... J'avais dit que pour moi, le ministère n'est pas important. Pour moi, il s'agit seulement de Jésus-Christ. Mais il faut savoir que le ministère est Jésus-Christ et Jésus-Christ est le ministère. Donc quand je disais ça, je parlais des églises mortes, pas des églises vivantes, où Jésus-Christ est l'église. Praise the Lord. So hear and understand. Amen. This is a message on its own. A topic on its own. To understand. There's the natural understanding. There's the supernatural understanding. Es gibt das natürliche the Lord opened your understanding. Und das übernatürliche Verstehen. The Lord, without Christ opening your understanding, you cannot understand the things of Christ. Ohne dass der Herr der Heilige Geist dein Verständnis öffnet, kannst du das, was der Herr sagt, nicht verstehen. Donc, encore une fois, la connaissance est très importante. Donc, on doit être sûr qu'on a tout compris et vraiment aussi de la bonne manière. Praise the Lord. Verse 11 says, not that which goeth into the mouth defy the man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they had this saying. Praise the Lord. Hallelujah. They were offended. Mm-hmm. But Jesus did not even care. Let them be offended. Anstoß genommen, weil Jesus war es egal. Les gens ici, ils étaient offensés, mais Jésus-Christ, Ça, ça n'a pas influencé Jésus-Christ. Then it's not said, but he answered and said every plant which my heavenly Father had not planted shall be rooted up. If my Father did not bring them, they will be offended. Mm. If it, my Father bring them, none will be offended. Mm. That's how you know that the Lord is the only, is really the one that call you. Mm. And you answer him. Wenn mein Vater sie bringt, werden sie keinen Anstoß nehmen. Wenn sein Vater sie nicht gebracht hat, werden sie Anstoß nehmen. So erkennen wir sie, von wem sie kommen. Mm. Et si, mon père les a menés vers moi, les a ramenés, ils ne seront pas offensés. Mais si ce n'est pas mon père qui les a ramenés, ils seront offensés. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les gens. Amen. Verset 13 here also means. Verset 13 here also means that if you are not in the spirit, you cannot stand. You have to learn to be in the spirit all the time. If not, you cannot stand. In correction, be in the spirit. That's how you can love the correction. You understand me? In rebuke, love, be in the spirit. That is how you will not be offended in that rebuke. In whatever, be in the spirit. Remember what Jesus did for you. Remember that how he was, you know, in hatred. When people hate you, you remember, you learn to go to the spirit and see how he was hated. And in spite of all, he still loved them and pray for them. Mm. You get it? Learn to be in the spirit. Zum Geist zu gehen, und wenn Leute uns verfolgen, hinter uns her sind, dass wir sehen, wie Jesus Christus damit umgegangen ist, dass er sie dennoch geliebt hat. Und das können wir nur erkennen, wenn wir unseren Fokus auf Christus haben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You cannot continue with Christ if you are not in the spirit. Du kannst nicht mit Christus weitermachen, wenn du nicht im Geist bist. Tu peux pas continuer avec Jésus-Christ si tu n'es pas dans l'esprit. Amen. Amen. You learn to live in the spirit. That's what Jesus is saying. Du lernst im Geist zu leben. Das ist das, was Christus hier sagt. Et tu dois apprendre à vivre dans l'esprit. C'est ça que Jésus dit. Look at it very clearly, verse 13. Verse 13. But the answer that said, every plant which my heavenly Father had not planted shall be rooted up. If they are not in the spirit, they'll be rooted up. In the nicht im Geist, it's only the plant that is of the spirit that remains. Wo die Pflanze, die im Geist ist, wird bleiben. Donc, si toute plante qui n'a pas été plantée à travers l'esprit va être déracinée. C'est seulement les plantes qui sont plantées par le Saint-Esprit lui-même, par Jésus-Christ. Ce sont les plantes qui vont demeurer. If you are not, you know, you have to learn to always be in the spirit. Wir müssen lernen, immer im Geist zu sein. If not, you will be offended. It means you will give up. Uns werden wir Anstoß nehmen und aufgeben. You'll be tired. Donc on doit vraiment apprendre à toujours être dans l'esprit, parce que si on n'est pas, c'est une question de temps après que on sera offensé, et ça veut dire qu'on va abandonner aussi. Do we need the truth? Brauchen wir die Wahrheit? Est-ce qu'on a besoin de la vérité ou pas? Oder nicht? Are we really after the truth? Sind wir wirklich hinter der Wahrheit her? Est-ce qu'on est vraiment après la vérité? Because this truth is very hard to the flesh. Denn die Wahrheit ist sehr hart für das Fleisch. Parce que la vérité est vraiment cruelle pour la chair. If you go to John 6 from verse 32 to the end, you go and read it. Amen. Mm-hmm. You can see they left Jesus because of the truth. Wenn wir zu Johannes 6 gehen, da sehen wir, wie viele Jesus verlassen haben wegen den harten Worten von Jesus. Dans Jean 6, par exemple, on peut voir que beaucoup de disciples ont quitté Jésus-Christ à cause de la parole. Amen. Amen. And Jesus was unshakable. Aber Jesus. See them that they left him. Amen. Johannes 6, 32. Jean 6, 32. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He was unshakable. Er war unantastbar, unerschütterlich. If you read it from verse 32. Verset 32. Look at from verse 26 because of time, please. 26. After telling them the truth, you will eat my flesh, you will drink my blood. From that time, many of his disciples went back and walk no more with him. Nachdem er ihnen die Wahrheit gesagt hat und gesagt hat, isst mein Fleisch und trinkt mein Blut, nachdem sind sie gegangen. Leute würden sich deswegen Sorgen machen. Normale Leute. Donc, après avoir leur avoir dit que vous allez boire mon sang et manger ma chair, beaucoup de disciples l'ont quitté. Et ça serait aussi la même chose aujourd'hui. Ah, dis-moi, je parle en français, je pense que c'est ça. Praise the Lord. Alléluia. Was it 36 or 26, mom? Verse 32 to the end. Here, okay. I just read 66. Okay. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. They ran. In Vers 66 lesen wir, dass viele seiner Jünger dann gegangen sind, sind weggelaufen. Donc, verset 66, on peut voir que à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'ont abandonné et cessé de l'accompagner. They left Jesus. Sie haben Jesus verlassen. Ils ont quitté Jésus-Christ. No, Paul also said they left him. Paulus hat auch gesagt, dass sie ihn, einige ihn verlassen haben. Paul a aussi dit que certains ont quitté. You know how many people have left us here. Wisst ihr, wie viele Leute uns hier verlassen haben? Vous savez combien de personnes vous ont quitté ici? Praise the Lord. Amen. Amen. He said, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. They said, Jesus unto the 12, will you also go away? You know, he can ask you that question. What about you? Und kann will you Frage stellen? Was mit euch? Wollt ihr nicht auch weggehen? Et Jésus-Christ peut aussi vous poser la même question. Est-ce que vous aussi, vous allez me quitter? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? That has the word of eternal life. Amen. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. On a lu 68. Which of the truth which can separate you from the Lord? Welche Wahrheit kann ich vom Herrn trennen? Quelle vérité peut te séparer de l'Éternel? Which of the truth can separate you from us? Welche Wahrheit kann dich von uns, der Gemeinde, trennen? Quelle vérité peut te séparer de l'assemblée, de l'église? Which of the truth will be so hard that you have to go? Welche Wahrheit ist so hart, dass sie dich zum Gehen zwingt? Quelle vérité aussi dure qu'elle va te forcer à quitter l'église? If you see these people, they were once with him. In verse 66. Diese Leute waren eins mit ihm. On peut voir que ces gens étaient avec Jésus-Christ. Amen. They were once with him. Until it was, you know, it was, you know, now it's not possible anymore. Sie waren eins mit ihm, sie die Nase voll hatten. Bis sie nicht mehr Dinge akzeptieren konnten, sie müde wurden. Et on peut voir que ces gens, ils étaient avec Jésus-Christ, ils ont suivi Jésus-Christ jusqu'à quand la parole, la vérité a été trop dure à digérer, donc ils ont quitté Jésus-Christ. Again, which of the truth? Welche Wahrheit? As it gets harder and harder, which of them? Where is your limit? Wo ist dein Limit? Wo ist deine Grenze? These people have limit. But Peter said, we don't have anything. We don't have any limit. Keep on moving. We move with you, Lord. Où est ta limite? Oh, mais on doit être comme Pierre, parce que Pierre lui a dit que nous n'avons pas de limite, on a tout quitté pour toi. Aber Petrus hat klar gemacht, wir haben kein Limit, weil wir keinen Ort mehr haben, an dem wir zurückgehen können. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, which of the truth can separate you from Christ, which is from us? From Christ means from us. Welche Wahrheit kann dich von Christus, von Because uns, until you leave Christ, trennen? You cannot leave us. Weil erst wenn du Christus dich von Christus trennst, wirst du dich von uns trennen. Donc, quelle vérité va te pousser à quitter Jésus-Christ ou va te pousser à nous quitter? Is it a rebuke? Ist es eine Belehrung? Is it too much correction? Ist es zu viel Belehrung? Est-ce que c'est une correction? Are you getting it? Ouais. Like Romans 8 said. Let's go to Romans 8. Comme Romans 8 nous dit. Amen. You know, these people that were once with him, until it was too hard. I say, when is it going to be too hard for you? Wann wird es zu hart für dich sein? Quand est-ce que tu vas arriver au point où ce sera trop dur pour toi? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Romans 8, from verse 34. Romains 8, 34. Amen. Romains 8. He said, who 34. Is he? Are we there, please? Mm-hmm. Who is he that condemned? It is Christ that died. Yea, rather, that is risen again. Who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Then verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? What is going to separate us, separate you from us here? Was wird dich von uns hier trennen? Qu'est-ce qui va te séparer de nous? Because the love of Christ that binds us together. Es ist die Liebe von Christus, die uns aneinander bindet. Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous lie l'un à l'autre. Without the love of Christ, I don't even know you before. You don't know me before. But the love of Christ brought us together. Kenne ich dich nicht, kennst du mich nicht, aber es ist die Liebe von Christus, die uns verbindet, die uns zusammengebracht hat. Parce que sans l'amour de Dieu, on se connaît pas, mais c'est l'amour de Dieu qui nous connecte. And now ask the question, who shall separate us from the love of Christ? What is it? Who? Is it person? Is it things? Is it correction? Is it rebuke? Is it? It is too much. It is getting harder. Und is it? I just. What is it? Und deswegen fragt ihr hier, wer will uns scheiden von der Liebe von Christus oder was will uns scheiden von der Liebe von Christus? Ist es Belehrung? Ist es Provokation? Is it age? Ist es Alter? Ist es Zeit? Qu'est-ce qui va nous séparer de Dieu? Est-ce que c'est ton travail, l'argent, le temps, ton âge? Friends. Tes amis. Amen. Amen. You know, best friends. The car cannot leave. Separate you from Christ. Sind es Freunde, es ist Familie, die dich trennen kann von Christus Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Tribulation or distress, or persecution or famine, or nakedness or peril, or sword. Oh, Daddy. Praise the Lord. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Amen. Amen. As it is written, verse 36. Verse 36. For the sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death nor life. You know, somebody saying, neither death or life, nothing can separate me from God's children. Jemand sagt hier, from nichts kann mich von den Kindern Gottes Christ me from God's children. Trennen, weder Tod noch Leben. Personne peut me séparer de l'Éternel, personne peut me séparer de mes frères. Not even death. Même pas la mort. Not life. Ni la vie. No angels. No principalities. No powers. No things present, no things to come. There is nothing that can take me away from Christ, from the family of Christ. Ich kann mich trennen von der Familie von Christus. Rien ne peut me séparer de la famille du Christ, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ceux que en haut, ni ceux qui sont en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher de l'amour, nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Verse 39 says, no height, no depth, no any other creature shall be able to separate us from the love of Christ, which is in Christ Jesus, our Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. What is it? Where is your limit? Wo ist unser Limit? Où est notre limite? Amen. Amen. Are you going to point fingers? How they said it. Is it how they said it that can separate you from the Lord? From them? From God's children? How they said it? Where they said it? How they put it? I did not like the discussion. I did not like the correction. I did not like all of you putting them together. How how, and you know, all these things. Is that what will separate you from the love of Christ? Allow the love of Christ to be bigger than everything. Lass zu, dass die Liebe von Christus größer ist als alles andere. Vraiment permettre que l'amour de Dieu soit plus grand que toute autre chose. Amen. On ne doit pas permettre que la manière dont la correction a été faite, ou alors le nombre de personnes qui ont participé à cette correction, ou quoi que ce soit, nous arrache de, ou nous écarte de l'amour de Dieu. The kingdom of heaven is full of correction. Das Königreich von Jesus Christus ist voll von Belehrung. Parce que le royaume des cieux, le royaume des cieux est rempli de correction. Pray to love correction. Bete Belehrung des Herrn. Amen. Priez pour aimer la correction de l'Éternel. Pray to love correction. Bete Belehrung zu lieben. From the Lord. Amen. We were already in Hebrew 12, from 6 to 13. We'll not go there again. On a déjà lu Hébreu 12. Christ loves repentance. Christus liebt Belehrung. L'Éternel. Christus liebt Buße. L'Éternel aime la repentance. How you accept correction and rebuke shows your maturity. Wie wir mit Belehrung umgehen, zeigt unsere Reife. Et la manière. In the kingdom of heaven. Et comment tu reçois ces corrections, comment tu l'acceptes, montre aussi ta maturité. The level of your maturity, how you see correction, how you value it, how you accept it, how you study what you see with it, how you love repentance and love correction, it shows your maturity. Wie wir mit Belehrung umgehen, wie wir sie lieben oder wie wir sie hassen, wie wir sie meiden oder wie wir sie suchen, zeigt unsere Reife. Donc la manière avec laquelle tu acceptes la correction ou tu évites la correction ou tu rejettes la correction montre ta maturité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Let us learn to live the life Christ wants us to live. That's how we can trust one another. Lernen, das Leben zu leben, was Christus für uns hat. So können wir einander vertrauen. Donc on doit vraiment apprendre à vivre la vie que l'Éternel a pour nous, que le Christ a pour nous. C'est comme ça qu'on peut se faire confiance. To love what he loves and hate what he hates. Das zu lieben, was liebt und das zu hassen, was hasst. Donc on doit aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Let us learn to love correction. Let us learn to choose Christ all the time, no matter how hard it is. Immer wieder zu wählen, egal wie hart es ist. Donc on doit apprendre à aimer la correction et toujours à choisir Jésus-Christ, peu importe les circonstances. Through your choice, I know who you are. Durch deine Entscheidung weißt du, wer du bist. À travers tes décisions, je sais qui tu es. Because your choice is either going to be flesh or spirit. Bei deiner Entscheidung ist entweder Christus oder fleischlich, Geist oder Fleisch. Parce que ta décision va toujours être soit charnelle ou spirituelle. I trust you through your choice. Ich vertraue dir durch deine Entscheidung. Je vous fais confiance à travers. I rate you through your choice. Ich bewerte dich durch deine Entscheidung. Je te juge à travers tes choix. Ouais. Amen. Amen. I see your maturity through your choice. Ich sehe deine Reife durch how deine Entscheidung. How matured you are. Wie reif du bist in Christus. Your decision. Vos maturités. Votre niveau de maturité à travers vos choix. How you obey the message. Wie du der Botschaft gehörst. It's how I see your maturity. So sehe ich deine Reife. Comment tu obéis au message, c'est comme ça que je vois si tu es mature ou pas. Amen. Mm. Praise the Lord. Amen. And it's how I trust you. Und so vertraue ich dir auch. Et c'est comme ça que je te fais confiance. You know, when you obey the message, I marvel. Wenn du der Wahrheit gehörst, bin ich erstaunt. Parce que quand vous obéissez au message, je suis étonné. Like Jesus marvel at that centurion's man faith. Wie Jesus erstaunt war über den Glauben dieses römischen Hauptmannes. Tout comme Jésus-Christ était surpris par la foi du soldat romain. It helped me to see you in another level. Es hilft mir, dich auf einer anderen Ebene zu sehen. Ça m'aide à d'une autre manière, sur un autre niveau. Praise the Lord. Hallelujah. And let me quickly go through here before we continue. The whole world is about problems of today. La ganze Welt geht es darum, dass Probleme sich lösen. Pour le monde aujourd'hui, il s'agit seulement de résoudre des problèmes. And not in knowing Christ. Da geht es nicht darum, Christus zu erkennen. Mais il ne s'agit pas de connaître Jésus-Christ. Our focus should be knowing Christ. Aber unser Fokus sollte sein, Christus zu erkennen. Mais normalement, d'être concentré. And that is what connaître Jésus. Because that is what the kingdom demands. Mm-hmm. Heaven demands that from you, from you, Christ. Dass der Himmel von dir fordert, dass Christus erkennt. Le royaume des cieux demande. John 17, verse 3. Help us to know God there, please, because of the new ones. Amen. Jean 17, verset 3. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Amen. John 17, verse 3. This very place is always coming. He said that this is life eternal. That the mind, you know, this life eternal is salvation. For God so loved the world that he gave his only begotten son. John 3:16. That whosoever believeth in him do not perish but have life eternal. And Jesus help us to know what life eternal means here. Life eternal is not forgiveness of sin. Life eternal means knowing, to know Christ. And this is life eternal, that the man know thee, the only true God. And Jesus Christ, whom thou hast sent. Praise the Lord. Hallelujah. Paul's prayer for himself and for us was always to know Christ. Go to Ephesians 1. Ephesians 1. You know, Paul never prayed, have, don't be sick, don't be, you know. Praise the Lord. Hallelujah. You know, his prayer. Just go and study his prayer. Paulus hat nicht für Besitz gebetet oder für Gesundheit, sondern to know. Zu erkennen, to know Christus who you are. Zu erkennen, wer to know the Christ in you. Deswegen sollten wir uns sein Gebet sollten wir uns wirklich angucken und lernen. To know Christ means to know who you are. Praise the Lord. Because if you know who you are, you know that you can never be sick. Paul n'a jamais prié pour avoir pour avoir des biens ou avoir une bonne santé ou quoi que ce soit. Mais il voulait toujours, il a prié pour avoir la connaissance en Jésus-Christ. Et quand tu sais qui tu es en Jésus, quand tu connais Jésus-Christ, tu connais aussi ta propre identité. Praise the Lord. Hallelujah. If you know who you are, you know that everything comes for good for you. Wenn du weißt, wo du not bist, to destroy wissen, you, still kill and destroy kommt you. Zum Because nothing can still kill and destroy Christ. Und nicht um zu zerstören, weil nichts kann Christus zerstören. Amen. Yeah. Et si tu sais qui tu sais que tu es intouchable. Parce que même si le diable vient pour tuer, détruire et voler, il pourra pas le faire parce que la personne qui est en toi a déjà battu le diable. From verse 15, please. Verse 15. Of Ephesians 1. He said, wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints. Look at what he heard about them. Their faith in the Lord. How they believe Christ. How they depend on Christ. And they love, the loving one another. That's what Paul heard here. That gave him joy, that gave him, you know, that's making, it's not somebody have won lotto, somebody have received some money, somebody have bought a house or a car. Look at, you know, he said, I heard of how you trust the Lord. Paulus freut sich darüber, dass Leute dem Herrn vertrauen. Darüber freut sich, nicht darüber, dass Leute Geld gewonnen haben oder Häuser gebaut haben. Somebody was sick and it's not here. On peut voir que Paul était se réjouissait parce que les gens, les Éphésiens ont fait confiance au Seigneur et l'amour qu'ils avaient pour l'un et l'autre, c'est ça qui le comblait de joie. Verse 16, it says, cease not to give thanks unto thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation and in the knowledge of him. To know him. Praise the Lord. Ephesians 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Verse 18 now. 18. He said, the eye of your understanding being enlightened to be opened, that you may know what is the hope of his calling. And what the riches of his glory, of the glory of his inheritance in the saints. Praise the Lord. Amen. Amen. Do you understand something here? And what, verse 19? And what is the exceeding greatness of his power for us who believe according to the working of his mighty power? 20. Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in heavenly places. Praise the Lord. Hallelujah. J.K., can you help us to read verse 21? 21. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in the world, in that which is to come. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. You can see the Paul's prayer here. Is it Paulus Gebet? Amen. La prière de Paul ici. If you see Christianity today, it's all about problem solving. Something is pursuing us, or they are pursuing something. Sich lösen, dass sie hinter Dingen her sind oder dass sie von Dingen gejagt werden. On peut voir que la prière de Paul, il ne s'agit pas d'avoir des biens, plutôt de faire confiance à l'Éternel. Amen. The kingdom of heaven is knowing Christ. Aber das Königreich des Himmels bedeutet Christus zu erkennen. Mais le royaume des cieux veut dire qu'on connaît, on reconnaît Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. With Christ, it is all about knowing Him. Mit Christus geht es nur darum, ihn zu erkennen. Avec le Christ, il s'agit seulement de connaître Jésus-Christ. No, to the religions, they all believe in fasting, but not believe in Christ. Alle Religionen glauben an das Fasten, aber they believe in fasting and prayer, but not in Christ. Aber nicht an Christus. Toutes les religions, ils croient au jeûne ou à la prière, mais pas à Jésus-Christ lui-même. Amen. There's a difference between believing Christ and believing fasting and prayer. Es gibt einen Unterschied zwischen an Christus glauben und an Fasten und Gebet glauben. Parce qu'il y a une différence entre croire au jeûne de prière mais ou le croire en Jésus-Christ. For them it's all about fasting because it's all about solving problems. Ihnen geht es ums Fasten, weil es ihnen darum geht, Probleme zu lösen. Pour eux, il s'agit seulement de jeûner parce que pour eux, il s'agit seulement de résoudre des problèmes. Amen. Amen. Let me also quickly give you this. Paul was angry. Paul very angry. War wütend. Paul a été vraiment fâché. Amen. Amen. There is no pity in the kingdom of heaven. Es gibt kein Mitleid im Königreich des Herrn. Il n'y a pas de pitié dans le royaume des cieux. The law, the flesh loves to be pampered. Das Fleisch will fettschild werden. La chair veut toujours être dorlotée. And Satan loves it. Und der Satan liebt das. Et le diable l'aime. If I'm evil wrong, pampered me. Say it softly. Selbst wenn ich falsch liege, dann seid dennoch höflich zu mir. Don't raise your voice. Und erhebe nicht deine Stimme. Is somebody getting something here? You know, anytime I speak to you, it might sound so harsh. Wenn ich zu euch spreche, we speak to one another, kann and es sein, dass so es ein bisschen, dass es hart klingt, dass es schroff klingt. Quand je vous parle, quand on parle, ça on peut avoir l'impression qu'on se dispute ou alors que je vous crie dessus, que je vous engueule. Praise the Lord. Anytime I speak, you know, we speak to one another. And the people think we shout. People think we always, you know, it's too hard. It's too harsh. It's too, why don't you make it? Just break it down. You know, no, it's too high. You know, once you are dealing with Satan, you are to be very active. And not passive. Dem Satan, wenn es um den Satan geht, müssen wir sehr direkt sein, ne? Weil es geht hier um eine geistliche Sache, die Autorität und Kraft fordert. Und die ist auch in der Stimme. Galata? Weil ich schon drehe. Conscient que quand il s'agit des choses de l'esprit, on doit aussi parler avec l'autorité qu'on a à travers l'esprit. Donc, ça va, on ne va pas toujours le chuchoter ou parler à voix douce. Amen. Remember, we are already in Matthew 16, where Jesus rebuked Peter. Mm-hmm. You know what? You know, the kingdom of heaven is not kule kule. It's hot. Königreich des Himmels erfordert because of Satan. Autorität und Kraft wegen dem Satan. Mm. Parce que dans le règne des cieux, il ne s'agit pas toujours de faire tout en douceur ou mou, non, mais il faut de temps en temps il faut être aussi violent. Amen. It is religion that is poor. La religion. But the kingdom of heaven. If you see John the Baptist shouting, if you just look at them, look at Elijah, Elisha, they were. You cannot stand them. You cannot. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, look at here also. Religion is kraftlos, autoritätslos. Und deswegen sieht man das auch in der Art und Weise, wie sie sprechen und wie sie reden. Aber im Königreich Gottes, da ist die Kraft des Heiligen Geistes am Werk. Und das sieht man auch in der Stimme und der Autorität, die dann halt auch genutzt wird und die an den Tag gelegt wird. We want to trust you, but you must submit to Christ, please. Okay, sorry. On peut aussi, enfin, dans le monde de religieux, par exemple, il s'agit toujours d'être doux, de se comprendre l'un et l'autre, mais dans le royaume des cieux, c'est un mot d'autorité. Donc il y a certaines choses, quand tu parles à travers le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit parle à travers toi, il va aussi parler avec toute son autorité, et ça ne va pas être toujours être doux, mais ça va être plutôt autorité, à dire ce genre français. Ça va être dur et statement. Ouais, ça va être dur. Amen. Déterminé, ouais. You know, when I see Satan, I react immediately. You can see my action, my attitude, my shout and say, what is that? You can, you know, because you know, Satan is like a dog. You don't pet Satan. You kick him. You cast him out. Und wenn ich den Satan satanisches sehe, dann werde ich auch mit Kraft und Autorität diese Sache verweigern und zerstören. Und das tue ich öffentlich, das tue ich laut und bestimmt, weil man so mit dem Satan zu sprechen hat und nicht ihn einfach nur wegzuscheuchen hat mit Federn, sondern mit eisener Hand muss man das tun. Par exemple, si je remarque quelque chose qui vient du Christ, qui est diabolique, qui vient du diable, je le rejette avec toute autorité. Et si je dois crier, je vais le faire. Et je vais parler avec toute autorité. Je ne vais pas rejeter le diable avec douce voix. You know, Matthew, the book of Matthew, he said, be gentle. When Jesus sent the 12, he said, be gentle like dove. The gentle, what Christ called gentle, to be gentle, it's not what man called gentle. It's not just accept all evil. To be gentle means to surrender to him. To see him in everything. It's not to accept evil. To be one with evil. To compromise. That's not gentle in Christ's kingdom. Als Jesus die Jünger losgeschickt hat, um zu predigen, hat er auch zu ihnen gesagt, sie sollen zahm sein wie eine Taube und schlau sein wie eine Schlange. Aber diese Zahmheit ist nicht gegenüber dem Bösen, nicht gegenüber dem Satan, sondern zahm gegenüber der Wahrheit, sondern sich demütigen unter der Wahrheit von Christus, aber wissen, wer man ist, Gott sein vor Problemen, Gott sein vor Satan, das mit Autorität und Kraft. Et quand Jésus-Christ, par exemple, avait envoyé les 72, les 72, il leur avait dit d'être doux comme des oiseaux et être aussi, aussi rusé, aussi intelligent que le serpent. Mais quand il dit qu'on doit être doux, il parle de sa douceur, parce que la douceur de l'Éternel n'est pas la douceur de ce monde. Parce que quand Jésus-Christ parle de douceur, il parle d'être soumis à la vérité, d'être soumis à sa personne. Et quand tu es soumis à lui, ça peut aussi ramener une réaction qui est quand même qui est assez dure. Et tant que tu es soumis à l'Éternel, tu es doux, tu restes doux. Praise the Lord. Hallelujah. You know, so many times I've corrected people, and even sometimes truthful, and sometimes see me see you. And somebody have even left here because how far I correct somebody. So hot. Because I never tolerate Satan. I know him. Because I know Christ. Und einige Leute haben schon die Gemeinde auch deswegen verlassen, weil ich halt einfach den Satan nicht toleriere und streng belehre. Aber die Tür ist offen, wem das nicht passt, kann gerne gehen. Ja, il y a aussi certaines personnes qui ont quitté l'église à cause de la manière dont j'ai corrigé certaines personnes. Mais comme je connais mon Seigneur, je connais Jésus-Christ, je connais aussi le diable. Donc, et quand je vais voir que le diable veut entrer dans cette église, je vais le chasser avec toute autorité que j'ai de mon Père. Et si ça ne te plaît pas, la porte est là. You know, look at our churches today, how they tolerate all evil. They tolerate everything. Ja, und schaut euch Gemeinden an, wie sie das Böse tolerieren und Kompromisse eingehen. Regardez toutes les églises aujourd'hui qui tolèrent le diable et qui tolèrent le mal. Amen. People have discussed among them that I shout on them, I do this, I do. Look at here. Look at from verse 1. Oh foolish Galatians. That's Paul. You know, Paul was angry. 3, verset 1. Very angry. He called them foolish Galatians. Okay, ihr unverständigen Galater. On peut voir que Paul était vraiment en colère parce qu'il a appelé les Galates des gens insensés. Amen. And I'm very sure he was shouting. He did not even say it polite. Ich kann mir vorstellen, dass er hier geschrien hat. Shouting more than me. Vielleicht sogar lauter geschrien hat als ich hier. With microphone. In his hand. I'm pointing it to the mouth. Amen. Et je suis sûr qu'il n'a pas dit ça en voix douce, mais qu'il criait sûrement. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we also read the Old Testament. We are, you know, Samuel told King Saul, you are foolish. Are you getting it? You know, you are to be angry. Be angry at Satan. Hey, Satan. The Bible did not say don't be angry. It said be angry and sin not. Who are you angry at? Is this Satan or God? Und die Bibel sagt uns, wir sollen wütend sein, aber nicht sündigen. Und das geht nur, indem wir halt wütend sind auf den Satan, nicht auf den Menschen, nicht auf den Körper, sondern auf den Satan, weil wir den Geist dahinter sehen und dieser Geist uns ein Anstoß ist, weil dieser Geist nicht von Christus ist. Et la Bible nous dit aussi qu'on doit être en colère. On doit être en colère, mais ne pas pécher en même temps. Donc, on doit être conscient qu'on est quand on est en colère, on n'est pas en colère contre Jésus-Christ, mais contre le diable. You know, if you follow how I speak, no one will be here. Wenn ihr nach dem geht, because sometimes it's very hot. In der Art und Weise, because I can see Satan coming. Because I hate his scent, his smell. Dann würde that smell, I hate it. In dieser Gemeinde I don't want sein, it to come at all. Weil ich sehr empfindlich gegenüber dem Gestank des Satans bin. Und I'm allergic to it. Und diesen Gestank auch sehr klar direkt erkenne. Und auch anspreche und auch laut und streng anspreche, weil ich eben allergisch bin gegen den Satan und gegen seine Werke. Et si vous concentrez seulement sur la manière dans laquelle je parle, c'est impossible de rester ici parce que mais faut se concentrer sur ce qui est dit et pas dans la manière dont je parle parce que Galatians 1. Sorry, Galatians 3, 1 to 4. Vous devez être comme moi, parce que je suis allergique au mal, du... Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis très sensible à ça, et dès que je le sens, je vais directement le rejeter. You know, I'm allergic towards what this world called good. That's why anytime they are saying, sharing something about what this world called good in television, they are praising me. I lived it. I turn it to something else. You know, I don't want to see it. Once I see shit, I spit. So once I see them, so when I see such thing, I'm like, I react to it immediately. I hate evil. Genauso auch wie wenn ich im Fernseher sehe, wie Menschen sich durch ihre Gutmenschen zelebriert werden und gefeiert werden wegen ihrer Werke, das sorgt auch dafür, dass für Übelkeit, weil ich einfach dieses Fleisch dahinter sehe und rieche und das einfach widerlich finde und da mich wegdrehen muss und das verweigern muss, weil es einfach teuflisch ist und nicht von Christus. Donc, dès que je sens quelque chose qui n'est pas du Christ, je réagis d'une manière donc je dois directement le rejeter parce que je ne supporte pas et je ne tolère pas les attaques du diable ou la présence du diable. You know, if I say, if I call people, if I say you are foolish today in the church, it will even come out to CNN. Hey, pastor said in the church that somebody is foolish. Look at what Paul is saying here. Oh, foolish Galatians, who have bewitched you? Und wenn ich sagen würde, dass jemand unverständig ist, würden Leute das so schlimm empfinden, dass es sogar in Spätnachrichten laufen würde. Und jeder würde sich darüber würde darüber empört sein, dass ein Pastor es wagt, einen Menschen unverständlich zu nennen. Aber hier sagt Paulus ganz klar zu den Galatern, ihr seid unverständig und fragt sogar, wer hat euch verzaubert? Si moi aujourd'hui j'utilise les mêmes paroles que Paul, ça serait un problème. Tout le monde va en parler de ça et vont dire on est dans quelle église où le pasteur appelle les gens insensés. On peut voir que Paul l'a fait, il a même demandé à ces gens qui les ont envoûtés. Praise the Lord. Hallelujah. He said they were bewitched not to obey the truth. Sie waren verzaubert und deswegen konnten sie der Wahrheit nicht not gehorchen. Not obey the message. Der Botschaft nicht gehorchen. Who bewitched you to travel with them? Donc ils étaient vraiment insensés, ils ont été envoûtés à ne pas suivre la vérité, à ne pas suivre la parole. Et c'est la même chose aujourd'hui. Amen. Who bewitched you to be one with them? Wer hat euch verzaubert, dass ihr mit diesen Menschen verreist? Wer hat euch verzaubert, dass ihr mit diesen Menschen eins sein wollt? Qui vous a envoûté à être un avec ces personnes? Qui vous a envoûté à faire certaines activités avec ces personnes? Amen. Something bewitched you or somebody bewitched you. Jemand oder etwas muss dich verzaubert haben, dass du freiwillig der Wahrheit den Rücken kehrst und dich für die Welt entscheidest. Donc quelqu'un ou quelque chose doit avoir t'envoûté si tu es pour parce que c'est pas normal que tu fasses ces choses avec ces personnes. The message we preach here is the truth. Die Botschaft, die wir hier predigen, ist die Wahrheit. Parce que le message qu'on prêche ici est la vérité. If I preach it to you and you refuse to ask to obey, who bewitched you not to obey? Wenn ich euch das, wenn ich bewitched you, that's what Paul is saying here. Weitergebe und ihr euch weigert, das zu gehorchen, dann muss ich mich fragen, wer euch verzaubert hat. Donc, parce que le message que je vous donne, le message que le Saint-Esprit vous donne, et si vous n'obéissez pas à ce message, vous ne suivez pas ce message, donc certainement quelque chose ou quelqu'un vous a envoûté. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you. Verse 2. This only will I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. Are you so foolish? Somebody was really angry here. I'm just repeating it again. Are you so foolish? Praise the Lord. Amen. They will say, don't curse. Don't do this. Don't do that. Paul is saying, are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now made perfect in the flesh? Have you suffered so many things in vain? If it be yet in vain. Praise the Lord. Hallelujah. All that you have been there for the Lord, that you want them to be in vain. For choosing Christ all the time and believing Him and trusting Him. You want to just throw them away because of just a little thing that is nothing. Wollte wegen einer kleinen Sache all das, was Christus für euch getan hat, was ihr Christus übergeben habt, über Bord schmeißen? Seid ihr so unverständlich, dass ihr euch auf so einen Handel einlässt? Donc, on peut voir que dans Galates 3, verset 1 à 4, que Paul était vraiment en colère, il s'est posé des questions, enfin il a posé plutôt des questions aux gens aux Galatiens, s'ils sont vraiment prêts à renoncer à tout ce qu'ils ont fait pour l'Éternel, à tout ce qu'ils ont quitté pour l'Éternel à cause d'une petite chose qui n'est vraiment même pas importante. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est prêts à quitter l'Église ou à quitter Jésus-Christ à cause d'un bête truc qui nous a offensés peut-être? On doit vraiment être rapide à voir seulement l'Éternel, à garder notre concentration sur l'Éternel, ne pas se laisser influencer par des bêtes choses qui sont vraiment pas importantes. And all that the Lord did for you, all He paid for, your salvation, how you are now a son of God, are you going to throw them away just because of just little thing that is nothing? Werden wir unsere Rettung wegschmeißen wegen diesen weltlichen Sachen, wegen diesen kleinen weltlichen Sachen? Nothing is worth your salvation. Weil nichts ist es doch wert, unsere Errettung zu verlieren. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous, il nous a sauvés. Est-ce que tu veux renoncer tout ça, tu veux rejeter ton salut à cause d'une petite chose mondaine? Galates 1. Galates 1. Praise the Lord. From 6 to 9. 6 à 9. He was angry again here. Und hier war wieder wütend. Praise the Lord. I marvel that you are so soon removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Praise the Lord. Amen. Can see, when you are out of the line, I can see it. And I'm so angry. Wenn wir neben der Spur sind, dann sehe ich das und das macht mich wütend. Another gospel. Ein anderes Evangelium. Ihr geht in eine andere Richtung, die nicht Christus ist. Amen. Eine andere Richtung, die nicht Christus ist. Vers 7. Vers 7. Which is not another, but there be some that trouble you and will pervert the gospel of Christ. But though we are an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Praise the Lord. Hallelujah. He is cursing. He cursed. Er verflucht hier. I know Paul is in heaven right now. Paulus ist jetzt im Himmel, aber er hat geflucht. Because you have the right to curse Satan. Weil du hast das Recht, sogar die Aufgabe, den Satan zu verfluchen. Mais je sais que Paul est au royaume des cieux aujourd'hui, même s'il a maudit des gens ou utilisé des gros mots, mais on a le droit, on a même le devoir de rejeter le diable. Remember, Jesus caused the fig tree. Erinnert euch, Jesus hat den Feigenbaum verflucht. You cursed him, curse it. Du verfluchst ihn. You are dead forever. Und sagst, du bist tot für immer. Rappelez-vous que Jésus-Christ a même maudit le figuier. Amen. On a le droit, on doit même maudire certaines choses. You curse the root of that problem in your body. Curse it. Du verfluchst die Wurzel dieses Problems. Your body is to obey you. You curse that root, the root. Und dein Körper muss dir gehorchen, wenn du diese Wurzel zerstörst. Mm. On doit maudire la source de nos douleurs, par exemple. Et nos corps doivent nous obéir. Curse the spirit of poverty, the spirit of lack. You curse them. Mm. You're not just, Verflucht he cursed, he cursed them. Von Armut und von Mangel. On doit aussi rejeter, on doit aussi maudire l'esprit de pauvreté ou de manque. Once we finish praying today, the message today, we will pray together and curse whatever the Lord did not send to be in our life. Amen. Amen. Wir werden heute nach dem Gebet heute nach der Botschaft die Wurzeln aller Dinge zerstören, die der Herr nicht in unserem Leben haben will. Mm-hmm. Amen. Et aujourd'hui après le service, on va aussi encore une fois prier ensemble et on va rejeter tout ce que le Seigneur ne veut pas dans nos vies, on va le maudire et le détruire. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. And we said before, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. My gospel is the true gospel. If it's another gospel, that whoever is bringing it is a curse on him. Sein Evangelium, das Evangelium von Christus, das wahrhafte Evangelium, wer ein anderes Evangelium verkündet, ist verflucht. Und er war sich sicher wegen dem Evangelium von Christus, was gepredigt wird. On peut voir qu'il était vraiment sûr de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que s'il est capable de dire que si quelqu'un vous prêche un évangile qui n'est pas de Jésus-Christ, cette personne est maudite. Donc il doit être sûr de sa vérité, il doit être sûr de son Dieu. You can see God kind of love going on. Is it God's love that weitergeht here? It's the love of Christ. C'est die Liebe von Christus. C'est l'amour. Amen. De Dieu, c'est l'amour du Christ. The natural man cannot understand it. Der natürliche Mensch kann das nicht verstehen, aber es ist die Liebe von Christus. L'homme naturel ne va pas comprendre, mais c'est l'amour du Christ ici. You know, if I see you going to another direction and I'm shouting on you, I'm shouting. It's the love of Christ that is just flowing. If you are in the spirit, you will see it that way. But if you are in the flesh, you will see somebody fighting it. Wenn ich sehe, wie ihr in die falsche Richtung geht und ich deswegen auch laut werde und euch ermahne deswegen, dann müsst ihr erkennen, dass es die Liebe von Christus ist. Aber wenn ihr das nicht erkennt, dann werdet ihr denken, dass es jemand ist, der euch einfach ärgern will, der euch nichts gönnen will oder euch hasst. Et si, si je vous crie dessus, si je suis en train de vous interdire certaines choses, vous devez être conscient que c'est l'amour de Dieu. Mais si vous n'êtes pas conscient que c'est l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu s'exprime aussi de cette manière, vous allez croire que je vous du tort, du mal. You know, when I see some certain things, I just say, Satan, I hate you. I hate you, woe unto you. I say it several times a day. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I cannot be one with you if I cannot trust your relationship with Christ. Und oft sehe ich Sachen und wenn ich Sachen sehe, die nicht von Christus sind, sage ich direkt, Satan, ich hasse dich, ich verweigere das. Und auch nochmal, dass ich kann nicht eins sein, wenn ich eure Beziehung mit dem Teufel mit dem Herrn nicht vertraue. Okay, wenn ich eure Beziehung mit dem Herrn, die ihr habt, nicht vertrauen kann, kann ich euch nicht vertrauen. Et souvent quand je vois des choses qui sont pas de l'éternel, qui sont du diable, je les rejette directement et je dis que je te déteste. Et aussi, je peux pas vous faire confiance si je peux pas faire confiance à votre relation avec l'éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I cannot be one with you if I do not know that in any decision, if you take a decision, you will not choose Christ. Ich kann nicht mit dir eins sein, wenn ich nicht. If I know that you will not choose Christ. Meine Hand dafür ins Feuer legen kann, dass du in jeder Entscheidung nicht für Christus entscheidest. On peut pas être un. Je peux être un avec vous si je ne suis pas sûr que chaque décision que tu prends, tu vas choisir Jésus-Christ. Amen. Amen. I walk by your decision. Ich, I see your decision and ich sehe deine Entscheidung. Je vois vos décisions et donc et j'agis aussi selon vos décisions. Just like Genesis 18, we read it on Wednesday. Was it on Wednesday? Genesis 18, from 17 to 19. Where God said in that of Sodom and Gomorrah, I will not hide this thing from Abraham. I will not hide it from him because I know him. I know the decision he will take in future concerning me. Is somebody getting it? Und wir waren auch in 1. Mose letztes Mal, wo wir auch gesehen haben, wie Gott über Abraham gesagt hat, ich kann Abraham diese eine Sache halt nicht verbergen, weil er halt Abraham vertraut hat und wusste, dass Abraham sich immer für ihn entscheidet, egal was es ist. Et quand on a lu mercredi passé ou dimanche passé dans Genèse, où Dieu a dit que je ne vais pas cacher cette chose à Abraham, parce qu'il avait confiance à Abraham, parce qu'il savait que Abraham a choisi Jésus, a choisi l'Éternel et va continuer à choisir l'Éternel. I hope you still remember that place. Praise the Lord. I know what Abraham's decision will be in the future. That he will choose me. Gott sagt, I can't be one with you. Ich, if I know that your future is Christ. Ich kenne Abrahams Entscheidung, weiß, dass er sich immer für mich entscheidet und deswegen kann ich mit ihm eins sein. Und genauso kann auch ich mit dir eins sein, wenn ich weiß, dass du dich immer wieder für Jesus Christus entscheidest. Parce que l'Éternel était sûr que Abraham va toujours choisir. Praise the Lord. L'Éternel, c'est pour ça qu'il était sûr. Il a pu le confier certaines choses et c'est la même chose dans nos relations ici aujourd'hui. Remember, 1 Thessalonians said we should prove all things. In 1 Thessalonica steht auch, wir sollen alles prüfen. Dans 1 Thessalonians. First Thessalonians 5, from 19 to 22, said prove all things. Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, il est dit qu'on doit examiner toutes choses. Wir sollen alles prüfen. Amen. Amen. Through your decision, through your choice, I know you. Durch deine Entscheidung und durch deine Wahl erkenne ich dich. Amen. Et j'examine vos décisions. I know if you are in the spirit or in the flesh. Ich weiß, ob du im Geist bist oder im Fleisch. Et à travers vos choix, vos décisions, je sais que si vous êtes dans l'esprit ou dans la chair. Praise the Lord. Hallelujah. I'm sure we will close now. Amen. Amen. Oh, the time has really gone. Praise the Lord. Hallelujah. We stop here, please, and continue as the Lord directs us. We still have.